Chapitre 14. Le faussaire. Le chef de la sûreté avait dit au juge d'instruction qu'il fallait attendre le retour de M. Laurent, alors absent. Le négociant en produits chimiques s'était en effet absenté pendant quelques jours, mais depuis le matin il était revenu à son magasin, et ce soir, comme d'habitude, il rentrait chez lui pour le dîner. À son air sombre, préoccupé, Mme Laurent comprit aussitôt que son mari avait encore de gros ennuis, de gros soucis. Depuis quelques années, elle voyait son mari rentrer ainsi sombre, attristé de temps en temps, au moment des échéances. Mme Laurent essayait alors de le seconder, de l'encourager. Elle l'aidait dans ses calculs, dans la tenue de ses livres, dans sa correspondance. Elle lui apportait surtout son réconfort moral et l'appui de son affection, l'encouragement de sa tendresse. Ils avaient fait un mariage d'amour. Et l'amour, chose rare, chez eux avait résisté au mariage. Ils s'adoraient tous deux. C'était à qui des deux témoignerait à l'autre le plus d'affection. M. Laurent comptait 35 environ, sa femme 28 à peine. Elle était jolie, dans tout l'épanouissement d'une saine et gracieuse beauté brune. Elle avait de grands yeux noirs très doux et un sourire charmant. M. Laurent était un homme robuste, vif, très intelligent, très audacieux. Assez beau garçon, portant toute la barbe très noire, dans laquelle, ainsi que dans ses cheveux abondants et bien peignés, aucun fil d'argent n'avait l'insolence de se montrer. Causeur assez agréable, ayant la faconde du Parisien qui voyage pour un commerce, sachant faire des clients de sa maison des amis particuliers. Il passait autrefois en Normandie et s'arrêtait à L'Aigle plusieurs jours, plaçant ses produits chez les propriétaires, les éleveurs, les directeurs d'usines des environs. Il était aussi le fournisseur de M. Billeman, gros propriétaire, principal actionnaire de manufacture d'épingles et maire de la petite commune d'Itonville que baigne la rivière Liton. Il était naturellement l'hôte de M. Billeman qui l'invitait à déjeuner, à dîner, ce que l'on regardait comme un grand honneur, car M. Billeman n'était pas prodigue d'invitations de ce genre ni d'aucune autre gracieuseté d'ailleurs. M. Billeman accumulait ses revenus, ses gains, avec une âpreté qui étonnait les Normands eux-mêmes. Chez lui, il gardait bien en sûreté dans un énorme coffre-fort, lourd, massif, gros comme une forteresse, ses valeurs et son argent. M. Billeman habitait depuis longtemps une grande maison qu'il tenait de ses parents, maison bien enclose dans un jardin sain de hauts murs, à l'abri de l'escalade, sur laquelle, en outre, de gros chiens veillaient constamment. Dans cette grande maison, aux portes solides et fermées intérieurement par des barres de fer, M. Billeman, depuis longtemps veuf, habitait seul avec sa fille Octavie. Une femme servait de cuisinière et de bonne à tout faire. Le mari de cette femme était à la fois le cocher, le jardinier, le garde du maire, son homme de confiance. Octavie Billeman était jolie. De nombreux prétendants arrivèrent, séduits par ses beaux yeux et sa dot qu'on supposait fort élevée. Mais Octavie les éconduisit tous, à la grande joie de son père qui avait formé le projet de marier sa fille au fils d'un de ses amis avec lequel il faisait des affaires. Ce garçon-là prendrait Octavie presque sans dot, se contentant d'une rente. Il devait par contre exploiter les propriétés du beau-père et leur faire rendre le plus possible. C'était un mariage qui convenait en tout point à l'avare, et il l'avait décidé. Mais il comptait sans Octavie qui refusa l'élu de son père, déclara qu'elle aimait M. Laurent, et ne voulait épouser que le Plassy en produits chimiques. Inutile de décrire la colère du maire d'Itonville à cette nouvelle, mais elle fut terrible. Quand Octavie lui avoua, après quelques mois de lutte effroyable, qu'il ne pouvait plus s'opposer à son mariage, M. Billeman pensa éclater d'un coup de sang. Il maria sa fille à son séducteur, mais il ne lui donna comme dot que ce qui lui revenait de sa mère, peu de choses, et il mit son Parisien de gendre et sa fille à la porte. M. Laurent emmena sa femme à Paris et n'eut plus avec son beau-père que de lointains rapports, ceux dont on ne peut se dispenser entre parents, même ennemis. D'ailleurs, ses affaires prospéraient, il avait acquis la maison pour laquelle il voyageait, et il coulait avec sa jeune femme des jours heureux. Mais M. Laurent eut le tort de ne pas se contenter de son bien-être, cependant fort enviable déjà. Il rêvait pour sa femme le luxe, le grand luxe, et il spécula. Ce fut sa perte. Il n'était pas de taille pour ses opérations. Alors, il dut recourir, pour boucher de grosses pertes, à des compromissions étranges, pénibles. On le vit chez les prêteurs d'argent, chez les intermédiaires marrons, chez les usuriers. Il dut s'arranger avec le banquier Montreuil qui détenait des billets en souffrance, donner des garanties, engager des valeurs, fournir la signature de sa femme, et même celle de son beau-père, oui, celle de M. Billement. De ce jour, M. Laurent courait à la catastrophe. À force d'adresse, de sacrifice, il parvenait à en faire reculer l'échéance, mais à la faire reculer seulement, non, à l'écarter. Ce soir donc, c'était le lendemain du singulier cambriolage chez Maître Béjanet, il rentra plus inquiet, plus troublé que jamais, plus fiévreux que lorsqu'il s'était, nerveux et furieux, présenté chez le banquier Montreuil, le soir où ce dernier fut trouvé assassiné. Dans la journée, il avait dû faire une dernière tentative à la banque Montreuil. Plus serré encore que le banquier lui-même, le chef comptable, à qui l'on avait remis la direction de la banque Montreuil pour la liquidation des affaires courantes, avait refusé tout renouvellement, tout délai à M. Laurent. Après cette entrevue orageuse avec le chef comptable de la banque Montreuil, il rentrait donc chez lui, furieux et désespéré. Sa femme lui demanda la raison de cette colère qu'il montrait ce soir. « Il y a que ce brigand de Montreuil a refusé de remettre une échéance, son remplaçant m'étrangle, et que cette fois je suis perdu. Perdu, voyons. Souvent tu as cru comme ça que tout était perdu, » lui dit affectueusement sa femme, et ça finissait par s'arranger tout de même. C'est que jusque-là je pouvais, par un jeu de bascule, m'en tirer. Maintenant, impossible, je n'ai plus rien, je suis perdu. Que te faut-il? 10 000 francs dans 8 jours. 10 000 francs. J'ai une échéance de 10 000 francs. Or, je n'ai pas le premier billet de 100 francs pour la payer. Et si je ne paye pas, c'est la fin. Je n'aurai qu'à me tuer. Te tuer? C'est la ruine absolue. Plus que la ruine, c'est le déshonneur. C'est la correctionnelle, la prison. Oh! S'écria Madame Laurent affolée. « Que dis-tu, toi, Albert, toi, en correctionnel? Pourquoi, toi, en prison? À cause de cette canaille de Montreuil !» M. Laurent marchait maintenant nerveusement de long en large dans la pièce. Il ronchonnait. « Canaille, canaille !» Puis il se décida à dire à sa femme, dont il comprit l'angoisse, « Pour faire face à d'autres paiements, j'étais demandé à Montreuil de me prêter la somme nécessaire. » Montreuil ne se contenta pas des garanties que je lui donnais généralement. Pourquoi? Parce que, précisément, j'avais plus que jamais besoin de cet argent et qu'il prétendait qu'il risquait trop en me le prêtant. Quelles étaient ces garanties? Monsieur Laurent s'arrêta. Il ne répondit pas. Sa femme dut le lui redemander. Quelles étaient ces garanties? Elles n'étaient donc plus bonnes? Si. Pourquoi les refusait-il? Parce qu'il voulait la garantie de ces garanties. Je ne comprends plus. De nouveau, M. Laurent hésita à répondre. Puis, brusquement, ayant fait un effort violent sur lui-même, il s'écria « Bah, le moment est venu. Je dois tout te dire, car un peu plus tard, dans quelques jours, tu apprendrais la chose. Oui, oui, parle. Tu sais qu'en moi, tu peux avoir toute confiance, et que mon affection, mon amour ne seront en rien diminués pour toi, même si j'ai commis des fautes. Assurément, mon pauvre ami. Mais quelle faute as-tu pu commettre que tu n'oses pas me les avouer ? » Avec peine, M. Laurent finit par dire à sa femme « J'ai commis des faux. » Madame Laurent tressaillit douloureusement. « Des faux ? Tu as commis des faux ? Toi, Albert, tu as fait des faux ? Oh, malheureux, malheureux ! Attends, ma chère amie, laisse-moi t'expliquer. Tu verras que je suis moins coupable que tu ne peux le croire. Parle. Maintenant que le coup est porté, je puis tout entendre. Comptons sur ton amour, sur ton affection dont tu viens de me donner à l'instant une fois de plus l'assurance. J'ai voulu t'éviter un ennui, une peine. J'espérais que tu ne saurais rien, que tout s'arrangerait. Et pour Montreuil qui la demandait, j'ai donné ta garantie, à toi, pour ma signature. Mais tu as bien fait. Non, ma chère amie, non. J'ai donné ta garantie, c'est-à-dire que j'ai signé pour toi. J'ai imité ta signature, j'ai fait des faux. Madame Laurent très doucement vint à son mari et lui dit « N'est-ce que cela ? Eh bien, ce faux n'en est pas un. J'aurais signé tout ce que tu aurais voulu. Donc, quand cette signature viendra, je la reconnaîtrai pour mienne. » M. Laurent serra fortement les mains de sa femme. « Merci, merci. Rassure-toi donc, ce n'est pas moi qui t'enverrai au bagne pour ma signature. Douloureusement, M. Laurent reprit. « Il y en a d'autres. »« D'autres ? Tu as imité d'autres signatures ? De qui ? Parle. »« Les signatures de qui ?»« Ma chère Octavie, toute ta dot. »« Je l'ai à ton insu engagée. »« Ma dot, tant pis. Elle est à toi autant qu'à moi. » « Mais les autres signatures ?»« Oh, une seule. »« De qui ?»« Montrez-la exigée. » Il la voit. « Celle de ton père. » Cette fois, Madame Laurent fut épouvantée. « De mon père ? Tu as imité la signature de mon père ?»« Quand toute la dot a été engagée, j'ai dû engager ton avoir futur, ta part de la succession de ton père. »« Alors ?»« Montreuil me demanda la signature de ton père. »« Mais jamais mon père n'acceptera. » Ah, je ne le sais que trop. Ton père ne nous a jamais pardonné notre amour, mais sa fortune est à toi. Ce qu'il n'a pas voulu te donner à notre mariage te reviendra à sa mort. C'est sur cette part future que Montreuil a consenti à m'avancer ce dont j'avais besoin. Alors tu n'as pas demandé à mon père ? Non, j'ai signé pour lui. Oh, mon pauvre Albert. J'ai signé des actes que Montreuil a confiés à son ami le notaire Béjanet. Ce sont des faux qui m'ont permis pendant quelque temps de faire face à mes échéances. Je comptais pouvoir me relever petit à petit, tout retirer, tout reprendre. Ainsi ton père n'aurait rien su, ni toi-même. Mais la veine ne m'a pas favorisé, au contraire. Maintenant, Montreuil refuse non seulement de me faire de nouveaux crédits, mais même de renouveler les billets qui vont arriver à échéance. Il m'a menacé, si je ne payais pas dans 8 jours, de remettre tous mes billets à son autre ami, l'huissier Grillard. Alors tu comprends ? Grillard présentera les billets à ton père, puisque je ne pourrai les payer, et tu devines ce que ton père fera. Tu vois, je suis perdu, perdu !»